sur Radio Le 5, consacré à la musique francophone. Et on commence avec ça. Et les cendres descendent de la chambre de Cassandre, incinération de ses rêves en cette clope qui s'achève. Elle est née dans une rose qui était déjà bouffée par les pucerons moroses de la destinée. Allez, danse Cassandre, comme danse tes cendres. Allez, valse dans tes rêves de palace. Allez, danse Cassandre, comme danse les anges. Allez, valse au moins devant ta glace. Pour éviter cette nausée, elle aimerait tant se pendre un coup beau et tendre, ou bien se mettre une ballerine et danser. Allez, danse Cassandre, comme danse tes cendres. Allez, valse dans tes rêves de palace. Allez, danse Cassandre, comme dansent les anges. Allez, valse au moins devant ta glace. Les petits rats, quelques doigts. Notre danseuse étoile s'est pris les pieds dans son voile, puis elle est tombée, elle s'est envolée. Et elle danse Cassandre, elle danse avec ses cendres. Et elle valse, c'est le vent qui l'enlace. Et elle danse Cassandre, et elle vole comme un ange. Et elle valse, c'est le ciel qui l'embrasse. Et elle danse Cassandre, elle danse avec ses cendres. Et elle valse, c'est le vent qui l'enlace. Et elle danse. C'est le ciel qui l'embrasse et elle danse Cassandre. Elle danse avec ses cendres et elle valse, valse, valse. Et elle danse Cassandre et elle vole comme un ange. Et elle valse, c'est le ciel qui l'embrasse. Soirée consacrée aux petites nacelles sur Radio Le 5, petite radio locale sur les ondes de Radio Val de Rhin. Axel, le talentueux compositeur et complice de la belle Sophie, nous offre ce soir et ce soir seulement une heure de musique. Votre humble serviteur n'a choisi que le premier morceau que nous venons d'écouter, Les cendres de Cassandre. Mais à présent, seuls les morceaux choisis par Axel vont nous accompagner. Le principe, Axel a choisi 8 titres d'artistes qu'il aime. Une fois cela fait, je lui ai demandé d'associer à chaque titre un titre des petites nacelles. Premier morceau de la liste de Axel, le dénommé Odelaf. Avec les fourmis. C'est un peu comme des chatouilles qui vont de la cuisse aux pieds. Les globules qui se dérouille parce qu'on s'est enfin levé. C'est pas vraiment agréable, on se dit que ça va passer. La raison en est incroyable, quelqu'un me l'a raconté. J'ai des fourmis dans les jambes, qui sait par où elles sont entrées. Faisons le chemin ensemble, c'est elles qui vont me porter. Elles peuvent soulever, dit-on, des cargaisons insensées, mais à combien elles s'y mettront pour un seul comme moi bouger. Ça fait si longtemps que je nage au milieu de mon canapé. J'ai besoin de leur courage, tout seul jamais je ne pourrais. J'ai des fourmis dans les jambes, qui sait par où elles sont entrées. Faisons le chemin ensemble, c'est elles qui vont me porter. Mais le monde a plein d'arômes qu'elles doivent m'emmener goûter. Grâce à elles franchir sans cesse la colline, le monde après. Jusque là où le jour nous laisse croire qu'on peut le rattraper. J'ai les fourmis dans les jambes, qui sait par où elles sont entrées. Faisons le chemin ensemble, c'est elles qui vont me porter. J'ai des fourmis dans la tête qui commencent à me gratter. Un jour j'arrêterai peut-être, c'est qu'alors j'aurai trouvé. À ce beau et mélancolique titre d'Odalaf Les Fourmis, Axel associe la piste 12 de l'album des Petites Nacelles Soyons Fous, le titre N'en parlons plus. C'est toujours mieux que rien d'en avoir fait un petit bout de chemin, plutôt que rien du tout. C'est déjà pas banal de s'endormir à deux, de toucher le Saint Graal. Au loto des amoureux. Et c'était déjà ça, de prix sur tout le reste. Moi qui n'y croyais pas, qui miroitais l'Everest. Même pas peur du bonheur, car il n'existait pas. Et aujourd'hui tu pleures, car je sens qu'il s'en va. N'en parlons plus. Tu vois mon âge, j'ai le sourire qui fait la manche. N'en parlons plus. Pleure pas ma belle, j'ai de la ciguë dans mon escarcelle. Est un autre jour. Et si je souffre de manque de souffle, tu souffleras, je pense, même en mon absence. N'en parlons plus. C'est déjà pas si mal de se tenir la main. C'est c'est quand même pas que dalle de se lever matin. C'est déjà plus que bien d'avoir fait de la marmaille et de chanter refrain, même quand le corps tressaille. C'était pas toujours rose, mais jamais noir non plus. C'était des pas grand chose, mais pas des sans issue. Pas tous les jours dimanche, mais putain c'était bien. On se sentait étanche au crasseux du destin. Mais n'en parlons plus. Tu vois mon ange, j'ai le sourire qui fait la manche. N'en parlons plus. Pleure pas ma belle, j'ai de la ciguë dans mon escarcelle. C'est un autre jour. Et si je souffre de manque de souffle, tu souffleras encore, même après ma mort. Mais n'en parlons plus. C'était bien un dimanche, à la con comme toujours, que j'ai sorti de ma manche le plus mauvais de mes tours. La vie qui pique les yeux, des fourmis dans la tête. Je me sens tellement vieux que j'abandonne la fête. C'est déjà pas si mal d'avoir tenu ta main. Je touchais les étoiles, accrochées à tes reins. Moi je serrais ma belle, la corde moins fort que toi. La descente en rappel, tu la feras sans moi. Mais n'en parlons plus. Tu vois mon ange, j'ai le sourire. La manche, n'en parlons plus. Pleure pas ma belle, j'ai de la ciguë dans mon escarcelle. Je n'en peux plus. Mon bel amour, tu sais demain est un autre jour. Et si je souffre, tu souffleras encore bien après ma mort. Mais n'en parlons plus. L'histoire d'un homme qui croise un soir le regard d'une fille seule au bar. Oh mais comme elle est jolie, c'est le béguin immédiat. À croire qu'il lui plaît aussi, il se rapproche déjà. Il danse à présent, et main dans la main, il lui parle en chuchotant. Il jure que le lendemain, il se rendra au salon pour la toute première fois. Je vais me tatouer ton nom. Tu sais quoi, allant sur mon corps, tu resteras bien au chaud. Mon cœur bat si fort que je te veux dans la peau sans ombre au décor. La peur de te perdre un jour déjà s'évapore. Moi je me tatoue que des cœurs moi. Moi je me tatoue que des cœurs moi. Moi je me tatoue que des cœurs moi. Moi je me tatoue. Moi je me tatoue que des cœurs moi. Moi je me tatoue que des cœurs moi. Moi je me tatoue que des cœurs. Le cœur est inscrit, la fille est partie. Il est embêté, il sait que ça ne peut s'effacer. Alors dès l'amour suivant, pour pour se faire une raison. Dans un autre cœur plus grand, il inscrit le nouveau nom. Et plus le temps passe, plus les couples cassent. Mais le feu ne s'éteint pas, il s'enflamme à chaque fois. Un jour nu devant la glace, face à ce sombre tableau, il n'a presque plus de place, plus qu'un coin de peau. Moi je me tâte que des cœurs moi. Moi je me tâte que des cœurs moi. Moi je me tâte que des cœurs moi. Moi je me tâte. Moi je me tâte que des cœurs moi. Moi je me tâte que des cœurs moi. Moi je me tâte que des cœurs. Que des cœurs moi je me tâte que des cœurs moi. Que des cœurs moi je me tâte que des déjà. C'est la dernière fois qu'il marche jusqu'au salon, c'est son ultime occasion. La tatoueuse le connaît bien, mais ignore ce qui se passe dans le tout dernier recoin. Elle porte le coup de grâce, le cœur est inscrit. Quel nom cette fois-ci? Il lui dit je veux le tien. Elle lui dit putain enfin. Ils s'embrassent et versent alors toutes les encres de leur corps. Et dans une grande flaque noire nage jusqu'au soir. À l'encre sur mon corps, tu resteras bien au chaud. Mon cœur bat si fort que je te veux dans la peau sans ombre au décor. La peur de te perdre un jour déjà s'évapore. Moi je me tâte que des cœurs moi. Moi je me tâte que des cœurs moi. Moi je me tâte que des cœurs moi. Moi je me tâte. Moi je me tâte que des cœurs moi. Moi je me tâte que des cœurs moi. Moi je me tâte que des cœurs. Que des cœurs moi je me tâte que des cœurs moi. Que des cœurs moi je me tâte que des cœurs. Que des cœurs moi je me tâte que des cœurs moi. MPL avec le titre Que des cœurs ou histoire de rencontres amoureuses éphémères, coup de cœur à 6 coups, premiers émois en CDD. MPL ne veut que des cœurs à graver et à changer, là où les petites nacelles dans le morceau Mona et Monsieur l'Horloger imposent le tic-tac plus ou moins régulier de l'amour qui bouleverse la plus précise des horloges de la vie. La trotteuse du réveil avance à vive allure, mais l'horloge de mademoiselle prend son temps, se rassure. Les portes de l'espace-temps connaissent leurs limites. Mademoiselle prend comme le vent par la fenêtre la fuite. S'enfuir des convenances de la vie, échapper aux règles de l'âge. Mademoiselle prend le parti de ne pas être sage. Mona soupire, Mona soupire, à l'Alysée, à l'Alysée. Les Mona s'enlise, Mona s'enlise, paralysée. Mona soupire, Mona soupire, à l'Alysée, à l'Alysée. Les Mona s'enlise, elle s'enlise. Le balancier de la pendule ne prend jamais de retard. Monsieur l'horloger ne capitule, ne cède rien au hasard. Les portes de sa boutique ne laissent pas entrer le vent. Monsieur l'horloger, tic-tac-tic, régule les contretemps pour être bien sûr d'être à l'heure et respecter le firmament. Monsieur l'horloger, par peur, choisit d'être obéissant. Pierrot s'agite, Pierrot s'agite, à la lune, à la lune. Mais Pierrot fabrique des pendules. Pierrot s'agite, à la lune. Mais Pierrot fabrique des pendules. Mona en quête de secours pousse à la porte par hasard de l'horlogerie compte à rebours, laissant entrer le blizzard. Pierrot au diable la lune, sur le comptoir son existence, sourit alors à la belle brune, réduit ses pendules au silence. Au silence.

je reste collé au mur comme une affiche. Le vieux portrait dont on se fiche. Pam, pam. Mes lèvres brillent, les tiennes sèchent. Au vent glacé de mes poèmes, les vieilles tirades de ma bohème. Bam, bam. Je souffle en l'air sur la poudre aux yeux d'une carrière. Comme un seul homme, le cœur changeant. Disant derrière combien de vent. Bam, bam, badam, bam. Bam, bam. Sous ta fenêtre, tu bats tes cils pour ma chanson. Hiver ensemble en tête à tête. Sur notre chemin, la neige fond. D'univers musical, quel plus bel exemple que Thomas Fersen, l'anthropomorphe, l'amoureux matérialiste que nous retrouvons dans la playlist du fil de fer axélien des titres nacelles. Le titre de Thomas Fersen, choisi par Axel, c'est tout ce qu'il me reste que nous associerons à la petite figure locale des titres nacelles. Avec ses courants d'air, je vais attraper la grippe. Elle dit que si j'ai la grippe, faut que je me mette au lit et que je lui donne mon slip. C'est l'objet du conflit. C'est tout ce qu'il me reste. Après je n'ai plus rien. De tout on vous déleste. C'est mon slip et j'y tiens. adversaire, agrippé au bout d'une brève qui voudrait bien parler de toi. En bien, en mal, en n'importe quoi, tu effeuilles les canards, tu t'admires dans les miroirs, tu t'agites pour que le beau monde te voie. Tu accueilles tous les regards et tu prends pour de la gloire, tu palpites. Rejoins le sommet de ton art banal, petite figure locale. Petite figure locale. Allumée du bout des lèvres par un projecteur de balle, tu parades sur ton piédestal. Adulé, tu donnes la fièvre à des midinettes en fleurs. Tu lévites sur la planète l'air, tu méprises les hommes de l'ombre, ceux qui colorent ton monde, tu surjoues. Alors des caprices immondes, tu attises les clopes blondes, quand leurs briquets font la ronde devant toi. Telle une marée de concombres, l'idéal pour une figure régionale. Petite figure locale. Agenouillé face au néant, tu n'es plus qu'une étoile filante qui a filé en un rien de temps. Quand les années te rident au vent, quand les rumeurs sont évidentes, tu retournes au pays l'enfant, tu déplumes le canard local sur le zinc d'un bistrot banal, se rive sur toi. L'assemblée générale aux hommes de l'ombre, tu fais risette à tes concombres, tu comptes fleurettes, petite figure, mais avec une grosse tête. Sur Radio Val-de-Rhin, en train de nourrir votre cervelle, de soulager vos portugaises et d'enrichir votre répertoire musical grâce à Axel des dites nacelles. Eh, salut mes quatre reines préférées, êtes-vous harnachées, la tournée va commencer. Le ciel est si limpide en cette belle nuit de Noël, et il est temps pour nous de nous envoler dans le ciel. Ne traînons pas trop si nous ne voulons pas être bloqués par des nuages en cavale ou des aurores boréales. Justement, Père Noël, on rigole, on déconne, mais on papote et entre rennes et y'a un truc qui nous chiffonne. Est-ce qu'on pourrait parler de conventions salariales, de retraites, de congés payés et de prestations sociales? Peut-être qu'on pourrait avoir des cachets d'intermittents, un peu comme vous quand vous allez faire des photos devant Auchan. On aimerait parler des fiches de paye si ça vous va, rapport à ce qu'on n'en a pas de paye. Eh, salut mes trois reines préférées, êtes-vous rassurés, ça fait du bien de discuter. Le ciel est si limpide en cette belle nuit de Noël, et il est temps pour nous de nous envoler dans le ciel. Cinq continents en une nuit, le timing est serré, la nuit déjà se voile, allons vers les étoiles. Justement, Père Noël, on en parlait entre nous, et c'est vrai qu'il y a quand même des trucs qui nous paraissent chelous. Je dois dire qu'on vous soupçonne de ne pas avoir de morale, ou d'être à la solde de grosses multinationales. Moi, ce qui me fout les glandes, c'est la qualité des cadeaux. Tout ce qui est fabriqué en Thaïlande me semble pas super réglo. On aimerait donner aux enfants des choses faites, si ça vous va, par des travailleurs qui n'en sont pas des enfants. Hey, salut mes deux reines préférées, est-ce que ça va rentrer dans vos cervelles de cervidés? Que le ciel est limpide en cette belle nuit de Noël, et qu'il est temps pour nous de nous envoler dans le ciel. Maniez-vous de décoller si vous ne voulez pas être transformé en boulette Ikea. Ben, vas-y toi. Non, non, vas-y, toi, je t'en prie. Non, non, moi je fais la guitare. Mais j'ai pas de cravate. Moi non plus. Eh ben, on tire au sort. Ok, plouf, plouf, c'est toi qui y va. Allez, vas-y. C'est-à-dire, Père Noël, qu'après moult discussions, ce serait bien qu'on ait un peu de considération. Notre costume est naze, on est à poil, c'est dégradant. Alors ben, qu'à la base, on est quand même des rennes volants. Y'a bien une ville et une pizza qui portent notre nom, mais ça ne suffit pas à redorer notre blason. On aimerait que les enfants vous appellent, sauf si ça vous gêne, le Père Noël avec ses rennes. Si ça vous va. Bon, raté. Bon, eh bien, je conduis. Je veux bien, oui. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vous allez pas me faire de mal, Père Noël. Mais non, enfin, comme si j'allais faire du mal à un reine. Vous en avez tué trois quand même. Mais non, pas humain. Ah bah, je suis rassuré. Ça va, ça va. De toutes les pluies, par tous les vents, j'ai vagabondé en causant. Au crapaud, lapin, au serpent, j'ai ouvert ma bouche à tous les vents. Tandis que toi, dans ton petit paradis de fer, de béton et d'argent, tu préfères à tout ça quelques pauvres diamants. Pas de mystère, la poudre aux yeux, évidemment. Sur tous les radeaux, dans tous les rades, j'ai ramé dans une tornade de plaisir, de rencontre et d'embrassade. J'ai aussi connu des gens qui sont vraiment dans la panade. Tandis que toi, dans ton petit paradis de merde, d'apparat et de parade, tu préfères dans ta pauvre vie bien fade t'enfermer dans ton bureau avec une bonne citronnade. Par quelques matins et quelques nuits, combien de fois ai-je souri aux étoiles, aux oiseaux et aux fourmis. De bas en haut, de haut en bas, j'ai parlé avec la vie. Tandis quoi, dans ton petit paradis fragile de fumées et de ciel gris, tu préfères les petites balades près de ton logis, attendre en vain ta petite choupette et fait pipi. Malheur, on se rencontre. Que vais-je te dire? Hey, qu'est-ce que tu racontes? Et les yeux rivés sur ta montre, il sera déjà l'heure d'aller vérifier tes comptes. Tandis-moi, dans ma petite vie sur terre, faite de joie et de mystère, je préfère aller compter quelques verres et pas attendre d'en profiter une fois sous terre. Et pas attendre d'en profiter six pieds sous terre. J'adore les petites balades, surtout quand elles se font sur Radio Le 5 avec Axel et Tite Sophie, même quand le Père Noël des Vrigols a perdu son renne. Mais trêve de plaisanterie, nous ouvrons la page altermondialiste, le chapitre On n'est pas content, les chansons un message. Axel se révolte contre les extrémistes de tout genre, de tout acabit, avec Alexis HK qui nous chante La Chasse, suivi du morceau des Tite Nacelles, J'ai tout oublié. Encore un soir où la lune pleine éclairait nos visages blafards au fin fond de la forêt, nos treillis, nos casquettes paramilitaires volaient dans la penderie du grand-père à Robert. Ces derniers temps, ça s'est décomplexé. Avec les camarades, on se sent plus libre d'exprimer toute la rancœur de nos cœurs mal aimés, enferrés, assiégés, les vapeurs de l'étranger. Tous les mardis, on part à la chasse. C'est surtout l'occasion de se mettre une bonne race entre amis, en parlant de nos femmes qu'on déteste et qui renient le héros qui parle dans nos têtes. Celui qu'on aurait pu être si la vie nous avait fait naître un peu plus loin d'ici. Sauf qu'ici c'est chez nous et qu'à défaut d'y bien vivre, on va pas en plus se laisser envahir. En collectif, on vient réclamer notre dû. Un groupe de vauriens se sent plus fort qu'un simple résidu. Au début, on se contentait des lapins, mais gros Lulu a voulu pimenter notre quotidien. Connaissait le nom de l'homme à qui l'on a dit: si tu veux vivre court, cours et cours vite, l'ami. On sait juste qu'il avait pas l'air très clair de peau, et ça nous suffisait pour le confondre avec les animaux. D'autant qu'on était déjà vraiment bien cuit au Ricard pur, à l'agneau distillé par Bibi. Dans le pick-up, l'un de nous gueulait dans la cibie, l'autre tirait en l'air comme il avait vu faire dans un movie les phares blancs aveuglants pour chasser l'animal qui courait en beuglant comme un putois dans le noir total. Derrière lui, le bruit et la terreur de 10 000 ans d'histoire et de connards remplis de fureur. Je ne sais plus qui je suis, si le petit gamin dort encore, mais sachez que je n'ai pas grandi au pied d'une tour ou bien d'un mirador, mais à l'ombre d'un pavillon, je vivais dans un cocon, calme et sans histoire, a-t-on dit de moi, mais moi je voulais vivre. Je ne ferai pas machine arrière, et l'enfant que j'étais pleure ma mère. Pas plus que les autres, je n'ai souffert de colibés ou bien de jets de pierre. À l'abri d'un monde cruel, je vivais superficiel, lissé sans encombre, j'y rejoins les ombres, il fallait que j'existe. J'ai tout oublié, le visage de mon père, le courage de ma mère, l'amour de mes frères, moi je pars à la guerre. J'ai tout oublié, de quand j'étais petit, de quand je serai grand, maman c'est fini, sur mes mains y'a du sang. J'ai tout oublié, la guerre elle peut pas être sainte comme disait papa. Un opprimé ou un tortionnaire, à la une c'est du pain béni pour BFM et ses confrères. On réécrira toute mon histoire, que dans ma nuit il faisait trop noir, pas une once de lumière, mais où était Voltaire pour guider mes pas. L'enfant ne sait ce que veut dire martyr, mais l'homme que je suis dans ma chair, à canon au bout de vos fusils, a eu raison de l'amour de ma mère. Je rejoins dans l'au-delà tout ce que j'ai envoyé là-bas. Pardon maman, papa, personne ne reviendra, l'enfant qui leur est mort. J'ai tout oublié, l'âge de mon père, le courage de ma mère, l'amour de mes frères, moi je pars à la guerre. J'ai tout oublié de quand j'étais petit, de quand je serai grand. Maman c'est fini, sur mes mains y'a du sang. J'ai tout oublié. La guerre elle peut pas être sainte comme disait papa. Le visage de mon père, le courage de ma mère, l'amour de mes frères, moi je pars à la guerre. J'ai tout oublié. C'est le temps des croisades où l'amour est trop grave, une époque bien maussade où la haine prend du grade. J'ai tout oublié. Que tuer pour des idées, ça rendait les mains sales, et que mourir pour Dieu, ça lavait pas les âmes. Maman, c'était toi. La maison Tellier est également dans la playlist de Axel pour marquer une certaine désillusion face à un monde qui ne sera jamais celui des poètes ni des rêveurs. Au bas fragile de la maison Tellier que Axel associe à Reprend le cordon des dites nacelles. Laissez-moi loin des causes perdues, des compteurs qui s'affolent. On apprend à écraser notre prochain dès l'école. On observe nos petits comme des bêtes en cage. Dans le doute, on se méfie. Ils ont peut-être la rage. Laissez-moi dans l'état où vous m'avez trouvé. Laissez-moi me vautrer dans la gadoue. Laissez comme un porc dans sa bauge. Ignorant des couteaux, laissez-moi quelques secondes savourer l'image de mes os bouillant dans une marmite pour un festin de choix. Ceux qui aimaient ma musique auraient enfin un bout de moi. Je n'entendrais plus dire qu'elle était sympa. Ne parlez pas de ma maîtresse, elle mérite mieux que ça. Épargnez-moi vos quelques larmes sur les drames de la solitude, pour savoir qu'on finit toujours seul, pas besoin d'études. Laissez-moi jouer sur le piano de quelques vieilles grand-mères. Pas sûr que ça lui tiendra chaud quand elle sera 6 pieds sous terre. Et gardez-moi vos enfants tristes, vos petits crèvent la faim, qui n'en finissent pas de mourir depuis 30 ans au moins. Je n'arrive plus à m'indigner, le cul dans un fauteuil, à porter devant ma télé un brassard en signe de deuil. Laissez-moi dans l'état où vous m'avez trouvé, que je ne sois ni repris, ni échangé. Laissez-moi dans l'état où vous m'avez trouvé. Merci à ceux qui savaient d'avoir voulu m'expliquer. Mais j'étais d'un autre temps, vous aviez d'autres mœurs. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est la musique des ascenseurs pour l'échafaud. Mais oui, celle qui donne envie de vous pendre. Laissez-moi vous serrer la corde, puis laissez-moi descendre. J'avais si peu à dire qu'il fallait que je le chante. J'ai connu mieux que de grandir dans les années 90. Moi j'ai poussé sans trop de casse, en évitant les gouttes, et depuis j'exhibe ma carcasse le long des routes d'un pays pour lequel au mieux je ne ressens plus rien. Ils ont un avis sur tout, eux ils n'auront pas le mien. Et bien que Dieu les ait mis là, j'y suis, j'y reste. Désormais nul ne me verra chevaucher toujours plus à l'ouest. Je voyage sur des mers d'absinthe, Te souviens-tu, ma sœur, que demain était plus beau? Il était bien plus beau qu'ailleurs. Et d'ailleurs, demain, rangez-moi dans un carton sur une pile inscrivée dessus, haut et bas, et sur mes pieds d'argile, à l'encre bleu roi, à la bombe. J'aimerais que l'on ajoute, les colosses se brisent quand ils tombent, prière de prendre soin d'Helmut. Nos vies n'auront jamais été que mort et combat, angoisse et cruauté. Ce que je n'explique pas, c'est la joie qui parfois surgit et qui toujours m'enivre. La joie du simple fait de vivre. La joie du simple fait de vivre. La joie du simple fait de vivre. Pas de passé lourd étant enfant, j'ai suivi vos règles à la lettre qui n'ont pas fait que mon bien-être. Ça me rend nerveux, ça me pique un peu, ça me brûle les yeux. Je veux pas devenir vieux. Allô, maman, y a pas bobo, y a pire que ça. Allô, maman. Dans la colle, pas qu'on me tue, pas qu'on me cajole. Je comprends rien aux gens d'ici. On doit pas être du même pays, pas plus artiste que vaurien. En suivant mon propre chemin, l'entièreté maître mot, quitte à faire un de vos marginaux. Ça me rend nerveux, ça me pique un peu, ça me brûle les yeux. Je veux pas devenir vieux. Allô, maman, y'a pas bobo, y'a pire que ça. Allô, maman, il y a des mots. Reprends le cordon. Contente vers le ciel des banderoles. Si je suis fou, faut qu'on m'immole. Je comprends pas, je suis pas normal. Pourtant je vous jure, je voulais rien de mal. Ce monde m'irrite et me désole. Mais ne refilera pas sa vérole. Slogan tatoué là sur ma peau. Et qui ne plaît pas à mes jumeaux. Quitte à me taire, je préfère souffrir que de finir dans la poêle à frire. Puis il est trop tard pour faire arrière sur la route de mes frères misères. Si je me trompe, si c'est du vent, vous à me casser les dents. Je préfère agir que laisser faire, qu'avant de ne redevenir poussière. Des Tite Nacelle, et pourtant, pas encore trace d'un des artistes adorés de notre invité du soir. Le séchant arrive sur le fil de l'émission, notre national Renaud, fils des beaux quartiers, pour parler des garçons en cuir des années 70, nous rejoint pour cette fin d'émission avec son déserteur, repris ensuite en version 2.0 par Axel. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, bisous messieurs.